Aha! Original old bitume, come again! Come again! Made in Unity! Ils ont déjà! Big up Soulja Biz! North Unity Sound! Putain de vie brutale! On essaie tant bien que mal supporter la vie et ses déboires. Rester sur ses gardes comme un animal, mais quand vient le soir, ce sont nos démons de façon bestiale qui nous hantent dans le noir. Putain de vie brutale, qui fait pleuvoir dans les mouchoirs. On essaie tant bien que mal supporter la vie et ses déboires. Rester sur ses gardes comme un animal, mais quand vient le soir, ce sont nos démons de façon bestiale qui nous hantent dans le noir. Putain de vie brutale, qui fait pleuvoir dans nos mouchoirs. Pas facile de traverser la vie avec ses lots de galères et de fardeaux. Très beau, oh, oh, oh, oh. Mais quand l'orage ça va sur toi, que la poudre te met KO. Oh, oh, oh, oh. Quand dans ton océan tu te noies et que tu ne contrôles plus ton bateau. Faut t'accrocher et ne rien lâcher, cette chaîne de vie l'a domptée. Après la pluie, le beau temps reviendra, oui ça tu le sais. Parfois t'es dans de beaux draps alors que t'as rien demandé. Tu crois tout contrôler mais en fait c'est le destin qui va œuvrer. Quoi qu'il arrive et quoi qu'on en dise, je ne fais que me répéter qu'il faut tenir pour le meilleur et le pire mais sans s'interdire de pleurer. Je l'enseigne à mon fils, chaque jour de la vie il faut lutter. La vie ne fera pas que te gâter, mais fais en sorte de ne pas la rater. On essaie tant bien que mal supporter la vie et ses déboires. Rester sur ses gardes comme un animal, mais quand vient le soir, ce sont nos démons de façon bestiale qui nous hantent dans le noir. Putain de vie brutale, qui fait pleuvoir dans les mouchoirs. On essaie tant bien que mal supporter la vie et ses déboires. Rester sur ses gardes comme un animal, mais quand vient le soir, ce sont nos démons de façon bestiale qui nous hantent dans le noir. Putain de vie brutale, qui fait pleuvoir dans nos mouchoirs. Tu veux pas finir à l'abattoir ni en maison carcérale. Non, toutes ces putains de cités dortoirs ne font bousiller le moral. Trop de gens sont dans le désespoir, entretiennent une haine viscérale. Par le fait de s'apercevoir qu'on leur donne de l'importance que dans les faits divers du journal. Trop de jeunes qu'on a laissé choir pour qui les cours sont rasoirs. Quitte à choisir, ils préfèrent faire le foutoir. Ça se termine de manière fatale, le monde devient asocial et se retrouve au tribunal. Les pères passent leur temps au comptoir, n'osent plus se regarder dans le miroir et n'arrivent pas à concevoir, non, qu'ils ont perdu leur pouvoir et aussi tout espoir. Putain de vie brutale qui fait pleuvoir dans les mouchoirs. Et ses déboires. Rester sur ses gardes comme un animal, mais quand vient le soir, ce sont nos démons de façon bestiale qui nous hantent dans le noir. Putain de vie brutale, qui fait pleuvoir dans les mouchoirs. On essaie tant bien que mal supporter la vie et ses déboires. Rester sur ses gardes comme un animal, mais quand vient le soir, ce sont nos démons de façon bestiale qui nous hantent dans le noir. Putain de vie brutale, qui fait pleuvoir dans nos mouchoirs. On essaie tant bien que mal supporter la vie et ses déboires. Rester sur ses gardes comme un animal, mais quand vient le soir, ce sont nos démons de façon bestiale qui nous hantent dans le noir. Putain de vie brutale, putain de vie brutale. Supporter la vie et ses déboires. Comme un animal, mais quand vient le soir, quand vient le soir.